Allume ta pipe à la pompe, ouais, et dis que t'as mal à ton ventre. Oh là là, j'ai perdu ma flamme. Oh là là, et mon âme aussi. Oh là là, j'ai perdu ma flamme. Oh là là, et mon âme aussi. Il y a une histoire derrière cette chanson. L'histoire derrière cette chanson, c'est quoi? À l'époque, les gens, en fait, ils allaient à la messe, à l'église Saint-Éloi. Les petits vieux, ils fumaient la pipe à l'époque. On est d'accord? Aujourd'hui, c'est des cigarettes, des clopinettes, tout ce que vous voulez. Et en fait, si vous voulez, il y avait une fontaine devant l'église Saint-Éloi. Et devant cette fontaine, en fait, les gens, quand ils sortaient de la messe, ils allaient essayer d'allumer leur pipe. Et devant l'église Saint-Éloi, à Dunkerque, il fait beaucoup de vent. Et du coup, qu'est-ce qui se passait? Les mecs, ils essayaient d'allumer leur pipe à la pompe. Donc, c'est-à-dire la pompe, la fontaine. Ils se cachaient juste derrière, en fait. La pompe à essence. Non, c'est pas la pompe à essence. Ah, oui. Parce que donc, du coup, ils allumaient leur pipe derrière cette fontaine. Donc, c'est pour ça qu'on dit allume ta pipe à la pompe. Et dis que t'as mal à ton ventre. Oh là là, j'ai perdu ma flamme et mon âme aussi. Parce qu'on perd sa flamme. Enfin, on est triste de pas pouvoir allumer sa pipe, quoi. Donc, c'est pour ça. Comme sur l'histoire, mon reflétant, tu m'as laissé femme et enfant. T'es couru là-bas sur les vents, pour des morues, pour des arrants. Va dans l'avant, pense qu'au présent, les coups, les déguisés, t'es maquillé et t'as picolé de blanc à tu pointes parti. Comme sur l'Islande, mon reflet tant, femme et enfant, était couru là-bas sur les vents, pour des morues, pour des arômes. Dans la mort, pense qu'au présent, elle a un gros derrière, elle a aussi un sacré ventre. Tout le monde lui dit que c'est la bière, qu'elle n'était pas comme ça avant. Dans le temps, c'était pas une belle fille, on disait bah, rose Crémonde. Acheteur avec qu'est-ce qu'il s'épile, on disait bien la grosse Raymond. Un coup qu'elle était criminelle, elle a été rouler son corps. Et c'était pas une petite gamelle, tout le monde croyait qu'elle était morte. On l'a portée à l'hôpital, y'avait Copinaro, pompier, pimpon, pimpon. Lui, il revenait du carnaval, il était encore installé. Ça va, chef ?